Document 4, page 20. Qu'est-ce que tu écris ? Lors de mon rendez-vous pour demain. Et aujourd'hui, quel jour sommes-nous ? C'est mardi. Oui, mardi 15 juin. Ah, c'est notre anniversaire de mariage ! Eh oui, 25 ans ! Comment allons-nous fêter ça ? On dîne au restaurant. D'accord. Mais où va-t-on ? Au palais de la mer. Tu es fou ! Le repas coûte combien ? Je ne sais pas, 150, 200, 250 euros, peut-être plus. C'est trop cher. Mais non, c'est exceptionnel. C'est vrai. Je mets ma robe rouge, tu mets ton costume gris et on y va.